soir je me bourre en la gueule. J'ai une écoute. J'ai des factures comme tout le monde ici. Mais je m'en fous cette nuit, je les regarderai à peine. J'ai des soucis comme tout le monde ici. Mais je m'en fous cette nuit, j'y penserai à peine. Ce soir je me bourre la gueule. Pour tout oublier. Non je m'en fous, ce soir je me bourre la gueule. Pour tout oublier. Je suis déchiré. Je veux tout oublier. Je suis déchiré. Ma meuf me saoule depuis trop longtemps. Mais vu que la kiffe, je peux pas la quitter. Ma mère me dit de changer mes fréquentations. Mais vu que ça roule des spliffs, je peux pas les quitter. Je suis passé de général au technique. J'ai montré le bulletin à la daronne, mais la déchiré. Première fois dans première salle, la prévoyant, j'ai mis une capote, mais c'est déchiré. J'crouse avec Gilly en ville. Pour qu'on vienne te choper, l'essence faudra participer. J'recherche une reçoit tranquille. Mais scarmouche avec le vilain, veut pas me laisser rentrer. Fucked up, hors de question que j'reste ça. Pas qui j'prends ma garden, j'me dépe avec mon escorte. Ce soir j'crois qu'il y aura mort d'homme. Bagarre, ambulance, sort de là. J'suis def, j'fume ma pêche. Avec mon jap, oublie les huissiers. J'ai des factures comme tout le monde ici. Mais j'm'en fous cette nuit, j'les regarderai à peine. J'ai des soucis comme tout le monde ici. Mais j'm'en fous cette nuit, j'y penserai à peine. Ce soir j'me bourre la gueule. Pour tout oublier. Non j'm'en fous, ce soir j'me bourre la gueule. Pour tout oublier.